ses taches violettes. Ils ont brûlé tous mes vêtements, me donnent à manger par une fenêtre. Ils ont dit tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Oh, oh, oh, oh. Je contrôle plus bien tous mes mouvements, paraît que c'est à cause des enfêtes. Moi la morphine et les calmants, j'ai jamais supporté ces bêtes. À part ça tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Oh, oh, oh, oh. Salut chérie. Ouais c'est moi ouais. T'as l'air surprise. Assurance vie dans le tiroir du buffet du salon. Mais depuis quand tu t'intéresses à mon assurance vie? Depuis que le notaire est là. Mais qu'est-ce qu'il fout là le notaire? Paraît que dans un an ou deux, ils pourront peut-être tenter une greffe. Si je supporte bien les traitements, si je me noie pas dans les toilettes. Jusque là tout va bien. Tout va bien, tout va si bien. Oh, oh, oh, oh. Toute la journée je vis au plafond, je redescends qu'entre 5 et 7. C'est l'heure de mes médicaments, je vais pouvoir remonter, c'est chouette. Alors là tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Oh, oh, oh, oh. Tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Oh, oh. Tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Oh, oh, oh, oh. Tout va bien, tout va bien, tout va si bien. Tout va bien, tout va si bien.